toi je te pardonnerais. T'aurais l'innocence non déclarée. M'aurais-tu trompé par hasard? Menti par inadvertance, c'est bizarre. Tes ratures traversent le buvard. Ah, ah. Pourquoi je te pardonnerais? Pourquoi je voudrais te garder? C'est ma faute si tu l'as sucé. Les mots crachés, la fournaise de ta bouche se décompose avant de faire mou ou bouche. J'ai perdu mon amour propre, la confiance qui va me redonner confiance. C'est pas le train qui a déraillé, ni l'avion qui s'est crashé. Avec autant de morts que de passagers, on change pas les gens, on les quitte. On change pas les gens, on les quitte. Les gens. On change pas les gens, on les quitte. On change pas les gens, on les quitte. Les gens. On change pas les gens, on les quitte. On change pas les gens, on les quitte. Les gens. Pourquoi je te pardonnerai? J'ai déjà fait et j'ai tous ces regrets qui se multiplient à chaque récidive. C'est toi ou une autre maintenant ou ailleurs. Les cœurs qui se dérobent, ça m'écoeure. Pourquoi je te pardonnerai? J'ai laissé trop longtemps le feu brûler. La clémence a fini par s'évanouir. Les pommes finissent toujours par pourrir. Ensemble on va jamais moisir. J'ai perdu mon amour propre, la confiance qui va me redonner confiance. C'est pas le train qui a dit.